Set the fire on to burn, the basket's full of wool. Light the candles round the hearth, sit down with myself to read a book. You know I'm looking at the words, but I'm not reading much. I don't like to shut the curtains, I like the moon to watch as I listen. As I listen, as I listen to the silence of the winter's quickening breath, the burning embers turning on, the sound of waxing waterfalls cascading over mottled stone, the crackling and the hiss of wooden coal against iron walls, the muddy stars behind still ice clouds, urging for the snow to fall. Oh, oh, oh. You know I'll never shut the curtains in my bedroom when I sleep at night. I like to feel them alive, filling up my dreams. And I was never one of those who cared about what time is or the way it flies, 'cause I just gotta slow it down to dream. Walking round my living room restless, I don't know what I'm hungry for. Don't ask me what I want, you cannot offer what I need. And the more you rush, the more you push, the more I put up walls. All this is just distraction to what I'm really hiding from. I like to feel them alive, filling up my dreams. And I was never one of those who cared about what time is or the way it flies, 'cause I just gotta slow it down to breathe. Set the fire on to burn, the basket's full of wood. Light the candles round the hearth, sit down with myself to read a book. You know I'm looking at the words, but I'm not reading much. I don't like to shut the curtains. I like the moon to watch as I listen, as I listen. Hello and welcome, bonjour à tous et toutes et bienvenue dans La Croisière Folk, une émission qui vous fait découvrir toutes les facettes de la musique folk, une émission qui vous fait voyager et qui vous donne un plaisir auditif certain. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, le temps est toujours très frais. On est déjà début novembre, il y a encore plein de feuilles sur les arbres. Et le temps, c'est vrai, n'est pas vraiment un temps qu'on pourrait attendre d'un mois de novembre. Allez, on a démarré cette émission avec Imagine Mansfield, Curtains. Elle se rappelle qu'on la réprimandait souvent pour ne pas fermer les rideaux la nuit, sans savoir pourquoi. Et sachez qu'elle vient de sortir un nouvel EP sur Bandcamp. Donc Imagine Mansfield, n'hésitez pas à aller sur son compte Bandcamp ou alors sur Facebook. Et on va poursuivre avec une chanson qui est très engagée, We Won't Go Back. Et c'est un petit remix que je vous ai fait, Carla Ulbrich. C'est une chanson qui s'inspire des paroles de Kamala Harris, « We are not going back », elle honore le parcours des femmes américaines sur plus d'un siècle et affirme leur détermination à ne pas revenir en arrière. Et ensuite, une autre chanson engagée, Suzanne Lembo avec « Choice ». C'est important de faire le bon choix pour soi et pour les autres. C'est une chanson qui est très chargée politiquement. Et il y a aussi, juste après, Kim Moberg avec « Sing it loud ». Une chanson qui résume un peu le pouvoir pacifique du bulletin de vote. Elle a écrit cette chanson comme une chanson de ralliement pour rappeler aux gens que les États-Unis ont surmonté des situations difficiles au cours de leur histoire et qu'ils n'ont jamais cessé de le faire. On peut, dit-elle, préserver notre démocratie et apporter des changements positifs en nous rassemblant. Voilà, c'est très politique, c'est aussi très féminin, puisque, je vous le rappelle, cette émission, comme on le fait toutes les deux semaines, eh bien, c'est 100% artiste folk féminin. J'espère que ça va vous plaire. On a une page Facebook, n'hésitez pas à la visiter. Ça s'appelle La Croisière Folk. Et puis, pour m'écrire, lacroisièrefolk@yahoo.com. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. It was bad luck to have a woman on a boat. Obstacles hard to surmount when you couldn't even get a bank account. This is what society would allow. Well, that was then, and this is now. We won't go back. We won't go back, we won't go back. We won't go back, we won't go back, we won't go back. Remember when we were kids in school and the teachers would encourage us to do our very best? It's one thing they'd always say. Anyone can grow up to be the president. Anyone who's a boy, that's what they really meant. Girls could be teachers or secretaries, but they had to quit when they got married. This is what society would allow. Well, that was then, and this is now. We won't go. We won't go back, we won't go back, we won't go back, we won't go back, we won't go back, we won't go back, we won't go back. The artists, the soldiers, the athletes, the teachers, inventors, and writers, and farmers, and preachers, the nurses, the doctors, delivering babies, the wives, the mothers, the childless cat ladies. We won't go back, we won't go back.

fire with fury, facing these days with dread. Shadows are growing, hatred is showing, rearing its ugly head. Don't give up the fight, exercise your right, let your voice be heard, sing it loud. 'Cause when we unite, you know we shine the light, chasing the shadows away. Did it back then, we can do it again. Hope is the only way. Don't give up, don't give up the fight. Exercise your right. Let your voice be heard. Sing it loud. We agree. We can see the land of the free. Don't give up, don't give up the fight. Exercise your right. Let your voice be heard, sing it loud. We are the people created as equal. We won't let them take that away. Together we're stronger. We'll fight the horror. Good wins at the end of the day. Don't give up, don't give up the fight. Exercise your right. Move into the light. Feel it shine, bright. Let our voices be heard. Sing it loud. Sing it loud. Change the à l'instant, Kim Moberg avec Sing It Loud. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nobody does it better. 1, 2, 3 pour ceux qui découvriraient cette émission. Eh bien, c'est la partie de celle-ci, donc de la croisière folk, dans laquelle en 3 chansons, on vous fait découvrir un album. Aujourd'hui, c'est Tara Spencer avec l'album Sunset. Tara Spencer, directrice de pompes funèbres et autrice, compositrice, interprète néo-écossaise, confirme ton talent, son talent avec son 4e album qui s'appelle Sunset et qu'on va découvrir. C'est un album qui est inspiré des sonorités des années 70-70 pour ceux qui nous écoutent en Belgique et enregistré au Sonic Temple Recording Studio à Halifax. Il reflète la richesse émotionnelle de ses compositions. On y trouve des collaborations avec des artistes canadiens tels que Matt Anderson et Stephen Fearing et des morceaux marquants comme Something About Paris et Valentine Blue. Sunset, l'album, explore les facettes de l'amour de ses débuts aux adieux et est sorti d'abord en vinyle et en CD. Il y aura ensuite une tournée canadienne après la sortie de l'album. Ce projet qui perpétue l'héritage de Spencer comme compositrice et productrice accomplie confirme son statut de grande figure de la musique folk canadienne. De cet album Sunset, 3 morceaux, 20 Years In, It's Never You et Something About Paris. Enjoy! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, la la la la la. Too afraid I knew I loved you too much to settle for the distance of a friend. So we swam in student loans and sold sandwiches and cell phones. We didn't have a dime, but we still had time to spend. Thought that we knew everything, jumped the gun with two gold rings and got married in the blazing August heat. We opened all the gifts we got in the Empire Theater parking lot. Yeah, we tied the knot and we never got cold feet. There isn't one thing I would alter. I know you'll stand by me through thick and thin. When we walk together, our steps will never falter. I don't know where you stop and I begin. 20 years in. Remember when you bought me that pair of fancy stockings one Christmas when the money was running tight? I was so mad for what you spent. I overlooked your good intent, but we still paid the rent and they still fit me just right. In dingy basements, so happy to have our own place. Went to school, brought two babies into the world. And even after all these years, changed plans and changed careers, I only really want to be your girl. There isn't one thing I would alter. I know you'll stand by me through thick and thin. When we walk together, our steps will never falter. I don't know where you stop and I begin. 20 years in. For tea, he brings her flowers. And I see myself in her and just how young we were. And I hope she knows a love as sweet as ours. There isn't one thing I would alter. I know you'll stand by me through thick and thin. When we walk together, our steps will never falter. Don't know where you stop and I begin. 20 years in. 20 years in. 20 years in. 20 years in. Sand. My skin never burns with the heat of your touch. There's so many things I don't think about much. It's not you, it's never you. To see if it rang, but I don't find myself humming the last song you sang. I don't leave the TV on to drown out the sound, and I promise I'll bring back those records I found. It's not you. Ago, I promised I would take you to the Eiffel. You would smile when I mentioned I tucked the tickets in an envelope hidden in a book you got for Christmas. As you read the final chapter beside me in our bed, you looked puzzled, disbelieving. Jumped out of the covers and you danced around the bedroom, laughing as the tears filled up your eyes. You were nervous and excited, you held on to my hand. The lights along the runway held your breath until we landed. It was dirty, smelled of cigarettes, everything there did. But you loved every minute, so I loved every minute. And back at home in our apartment, the magnet on our fridge, you would talk about it often, the little things we did. You left your raincoat on the train, but the the sun shone every day. It was perfect. Breathing slows before you go. I lean in as you whisper something about Paris, something about Paris. Un, deux, trois. Voilà donc un nouvel album que je vous fais découvrir dans 1, 2, 3, celui de Tara Spencer, la Canadienne avec Sunset. On l'a découvert avec trois morceaux, 20 Years In, It's Never You, Something About Paris. Si vous aimez l'album, eh bien n'hésitez pas, filez, l'acheter chez votre disquaire préféré. La petite pause poème avec, vous le savez, cette année-ci, c'est le 125e anniversaire de la naissance de Maurice Carême. Et donc, on vous diffuse chaque semaine, on le fera jusqu'à la fin de l'année, un poème de Maurice Carême. C'est Destin. Alors, Destin, ce poème explore la notion de la fatalité et le caractère imprévisible de la vie. Maurice Carême, souvent connu pour sa simplicité et sa profondeur, utilise des images claires et des vers concis pour exprimer des thèmes philosophiques ou existentiels. Dans Destin, l'auteur joue sur l'idée que la vie peut paraître aléatoire et que les choix que nous faisons sont parfois influencés par des forces que nous ne contrôlons pas, ce qui peut évoquer un sentiment d'acceptation de l'inévitable. Et si vous voulez le lire, eh bien, il se trouve dans le recueil Mère, publié en 1943. Et puis juste après, eh bien, je vous propose une petite séquence espagnole avec Ana Alcaide, Ay que Casas, Anabel Santiago, Amore que Pasen et Al Andalus Project de Santa Maria Cantiga, donc le Cantiga, un cantique pardon, du XIIIe siècle. Alors pourquoi je vous passe trois artistes féminins ou féminines espagnoles? Eh bien parce que je vous invite à visiter notre page Facebook La Croisière Folk et j'y ai mis des infos pour que vous puissiez pratiquement aider les personnes qui sont touchées par les inondations dans la région de Valence en Espagne. C'est important. Alors je sais que trois chansons c'est pas beaucoup, mais elle vous invite à voir les infos que je publie et que je publierai encore, qui vont vous permettre de verser un petit peu d'argent, entre autres au Lions Club en Espagne et à la Croix-Rouge espagnole. Et ainsi, ils pourront aider les personnes qui sont très fortement touchées. On compte plusieurs centaines de morts, malheureusement. Et donc, n'hésitez pas à montrer votre solidarité. Ce n'est que de la musique, mais de la musique qui donc entraîne la solidarité. Et j'espère que vous serez nombreux à aider nos amis espagnols. Je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent de la région de Valence ou qui nous écoutent de d'autres villes, mais sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. Destin, inutile de te presser. Il s'est levé bien avant toi, bien avant l'aube et la rosée. Celui qui dessine les pas où tes pas viendront se poser. Que tu sois gueux, que tu sois roi, personne ne peut l'empêcher de marquer d'invisibles pas la route où tu voudras marcher. Tu mettras tes pas dans ses pas, et seul Jésus, dans son amour, se leva de si grand matin que c'est le destin à son tour qui posa ses pas dans les siens. Ay, que casas tan hermosas, ay, que casas tan hermosas, para que bailen las novias, para bodas, para señoras, estas y otras. La, la, la, la, la. La Croisière Folk, c'est votre billet pour explorer le meilleur des artistes folk féminins d'hier et d'aujourd'hui. Mientras se abona moza con la carne respondona, vengo a ir al Salvador, que Dios todo lo desenvolve y tal un día estar esperando, pero bien podría. Mientras sea buena moza, tengo de ir a Compostela, Santiago. Volve y dale algún día, no estaré esperando, pero bien podría. Thank you. Bienvenue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Allez, dans la minute astuce, aujourd'hui, on va vous dire comment parfumer vos armoires et penderies. Il faut, pour fabriquer un petit sachet parfumé pour vos armoires, vos penderies ou vos tiroirs à vêtements. On va vous l'indiquer. Alors, si vous n'avez pas de sachet, prenez un mouchoir en tissu et versez-y 200 g de bicarbonate de soude et le zeste d'un citron. Nouez-le à l'aide d'un petit ruban. Il ne vous reste plus qu'à placer ces sachets odorants aux endroits où vous rangez votre linge. Et croyez-moi, ça parfumera vos armoires et penderies. Allez, tout de suite, la musique folk. Je rappelle que... comme on le fait deux fois par mois, eh bien aujourd'hui, c'est un 100% artiste féminin. Un petit peu de bluegrass avec Woman of Kelly, Leaning Track Vanille. Hop hop, j'espère que vous aimez cette croisière folk. C'est une croisière qui vous fait voyager au travers des musiques folk. Monday, seems like she ain't ever gonna set. Showing me no mercy, no respect. Boss man love to see me sweat. Break my bones to make this check. We ain't even laid down a whole mile yet. Swing that hammer now. Drive that spot down. Talentueuse chanteuse et musicienne folk du monde entier, c'est dans l'émission La Croisière Folk. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Thank you. suivi. Et voilà, c'est ici que la croisière prend fin. Nous arrivons à bon port. J'espère qu'elle vous a plu, que vous aurez aimé la programmation musicale. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook. J'y ai mis pas mal d'infos qui vont vous permettre d'aider les personnes qui sont touchées par les inondations dans la région de Valence. D'avance, merci. Allez, sur ce, je vous quitte. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et comme on dit, bye bye. I'll be back. De toute façon, j'ai été venu pour tâter le terrain. Faute de mieux. Je vous aime pas, vous. Moi aussi, je vous adore. Atmosphère ! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? Tu vois, l'abîme appelle l'abîme. Abyssus abyssum invocat. Les citations latines, ça va aller là, c'est bon. Tenez, Madame Chapeau. Mais je ne m'appelle pas comme ça. Ce sont les crapuleux de ma strotche qui m'ont donné ce surnom. Parce que je suis bien trop distingué pour sortir en cheveux. Dear John Lennon, last night I met you. Shared conversation in my dreams again. I wasn't a star-struck schoolgirl. I was me now, just as I am. And you were you from 1980, before you were taken right out of our hands. We were walking, yeah, we were talking, we were walking just like friends. I showed you the places I remembered from my life way back when. Some may change, but not for better. Some may be gone, some remain. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. Of your fingers, so warm from all the years you played. If only we could break out an old tune. You smiled, sorry love, must be on my way. So I turned my collar up, you pulled your cap down. La Croisière Folk, c'est votre billet pour explorer le meilleur des artistes folk féminins d'hier et d'aujourd'hui. Pour les femmes, t'es chouette, les filles du bord de mer. La femme est l'avenir de l'homme. les chandelles de mes pensées, les silhouettes de mon esprit. Dans le foyer de mon cœur, peu à peu s'éteint le feu. Dans mon royaume épuisé, foi et fait. Une fatigue qui se réveille dans la nuit, tôt le matin. L'avenir me chavire. Je veux la paix, je veux la paix. L'horloge de cette nuit blanche sur une autre journée, pendant que la lune et le soleil partagent le ciel. Des petits mensonges ce matin pour nourrir mon chagrin. J'ai l'appétit pour ruminer. Une fatigue qui se réveille. Cheers.